dans sa chambre isolée. Quand elle s'égare dans ses délires, que la nuit tombe sur son île, quand les nuages viennent enlacer jamais rien vu.